La Corée a célébré solennellement le 64e anniversaire de la grande victoire dans la guerre de libération de la patrie. Les habitants se sont rendus sur la place du Palais du Soleil de Kumsusan, le plus haut lieu sacré du Juche, où se trouvent les corps embaumés du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il. Ils ont rendu hommage aux portraits en sourire des grands leaders. Les militaires et civils ont visité les statues et les cimetières des martyrs et les monuments aux martyrs de l'armée populaire pour présenter leur respect aux vainqueurs des grandes années. Les spectacles commémoratifs ont eu lieu dans la capitale et les provinces. Sur la place Kim Il-sung s'est déroulée la marche à la fanfare et au cœur des étudiants de la ville de Pyongyang. Partout dans le pays, beaucoup de gens ont organisé les rendez-vous avec les vétérans de guerre. Les jeunes et enfants ont visité les maisons des vétérans de guerre et des méritants du temps de guerre en signe de félicitations.